Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Voyage au centre de la Terre, une série de Michel Pomarède réalisée par François Test. Au départ de cette série, alors que fume le volcan Taal aux Philippines, il y a une exploration, ou plutôt une traversée du magma en fusion à la surface terrestre en passant par les terres arables, mais aussi les sols empoisonnés par l'exploitation des mines d'or et les cratères des volcans d'Auvergne. Alors pour commencer, les personnages. Un volcanologue en VF, un gardien de volcan, des propriétaires de terres volcaniques et un exploitant de pouzzolane. Ensuite, le décor. L'Auvergne, une chaîne de volcans, un cratère, des vieux tubes de colle, des réservoirs, le puits de Dôme, des tubes de dentifrice, une bombe volcanique, une cheminée, l'exploitation minière, de la neige et des tamis. Aujourd'hui, 4e épisode, on ouvre une porte. Voyage au centre de la Terre. Michel Pomarède, François Test. L'Antégie, au cœur des mystères de la vulcanologie. Pierre Boivin, vous êtes volcanologue. On dit volcanologue ou vulcanologue ? Moi, je préfère volcanologue. Pourquoi on hésite entre deux termes aujourd'hui ? Parce que le terme vulcanologue vient de Vulcain, du dieu Vulcain, qui a donné le Vulcano... en Italie, et vulcanologue est un terme qui a été utilisé traditionnellement, enfin, par les Allemands, par les Italiens, et puis ben, maintenant on est dans un monde anglo-saxon, et on utilise souvent plutôt volcanologue, et puis en plus en français c'est les volcans, donc moi je reste aussi attaché au terroir. Un volcan, comment ça marche ? Ou plutôt, comment ça fonctionnait ? Pour le savoir, prenez la route pendant 35 km à partir de Clermont-Ferrand et vous arrivez au volcan de l'Antégie. Scientifiques français et étrangers, mais aussi visiteurs et scolaires se pressent dans ce laboratoire à ciel ouvert où on peut toucher et ramasser des pierres noires vieilles de 30 000 ans. L'Antégie appartient à la chaîne des puits qui compte 80 dômes, plus ou moins grands, répartis du nord au sud sur une bande de 20 km. Des volcans classés, tenez-vous bien, l'an passé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est au laboratoire Magma et Volcans. Un tout petit peu en dehors de Clermont-Ferrand. En face de nous, la carte volcanologique de la chaîne des puits. Ça, c'est un peu votre petit jardin, en fait. D'abord, la chaîne des puits, c'est celle qui ce qu'on représente sur cette carte. C'est ce que j'appelle, moi, la chaîne des puits où les volcans se tiennent par la main. En réalité, il y a des annexes de la chaîne des puits plus au nord et plus au sud, qui sont un peu plus loin. Mais on va se cantonner à ceux qui sont sur la carte. Donc on commence tout au nord par un volcan qui est très connu par les lycéens et les collégiens, qui s'appelle le Mar de Bonit, qui est un énorme cratère d'explosion. Puis ensuite, on va descendre un peu plus vers le sud. Je m'arrête sur les volcans principaux. Donc l'ensemble du puits de la Nugère, qui est le volcan qui a fait l'éruption la plus volumineuse de la chaîne des puits. Il a recouvert toute la Limagne de plusieurs dizaines de centimètres de cendres. Enfin, c'est quelque chose de monstrueux et qui est actuellement la boîte au trésor de ceux qui exploitent l'eau dans la zone de Volvic, puisque l'eau de Volvic doit en particulier sa qualité à ce, entre autres, à ce volcan de la Nugère. Ensuite, on descend. On a le puits Chopin, qui est remarquable aussi parce que c'est le cas extrême des volcans de la chaîne des puits qui nous a donné donc une espèce de piston de lave qui est sorti, qui était tellement visqueuse que ça s'étalait pas. Ensuite, juste associé au puits Chopin, sur ces basses pentes, on a le puits de l'Antégie, qui est un haut lieu de la pédagogie aussi pour apprendre ce que c'est qu'un volcan, comment on reconnaît les cendres, les scories, etc., etc. On a beaucoup de choses très intéressantes là-dedans. Ensuite, si on descend vers le sud, on a le Grand Sarcouit ou Chaudron, qui est un volcan aussi de lave visqueuse, qui nous donne la forme de ce volcan, c'est comme un chaudron renversé. Hein. On descend vers le sud, là on tombe en plein cœur de la chaîne des puits sur le puits Dôme, qui est incontournable parce qu'il dépasse tout le monde, hein. Tous les autres volcans sont en dessous de lui. Et on va finir vers le sud par les deux derniers nés de la chaîne des puits, comme je l'ai défini, qui sont les puits de la Vache et de la Solace, qui sont des puits hyper connus parce que c'est les exemples de puits de volcans dits égueulés. Hein. Ils sont en forme de fer à cheval. En gros, ils ont fonctionné la plupart du temps ensemble et ils nous ont donné, leurs laves se sont mélangées et donné une grande coulée qui fait à peu près 16-17 km de long, qui est descendue jusque dans la plaine de l'Allemagne. Donc voilà les principaux volcans, enfin, on a donc une trentaine de kilomètres et quand on s'intéresse aux volcans qui sortent un petit peu plus haut que 10 cm en relief, eh bien on en a à peu près 80. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un volcan ? Alors, on va dire un volcan, c'est le point de sortie du magma à un endroit donné qui sort à la surface et qui constitue, dans notre cas, on ne va pas s'étaler sur d'autres choses, qui constitue des petits édifices par accumulation des produits qu'il éjecte. Et précisons quand même, Pierre Boivin, que ces volcans sont tous monogénétiques. C'est-à-dire des volcans qui se sont faits au cours d'une seule éruption. J'avais un copain qui était un des premiers auteurs de la carte qui parlait des volcans à un coup, opposés aux volcans mitraillettes qui sont les grands volcans qu'on a en Amérique sur la bordure du Pacifique, etc. Donc c'est des volcans à un coup, ils pètent une fois, puis terminé. Une fois qu'ils ont fonctionné, ça s'arrête, toute la tuyauterie d'alimentation se refroidit, ça soude, ça fait comme un tube de colle que vous utilisez pas souvent. La première fois, ça marche super. Vous y revenez 15 jours ou un mois après, paf, c'est tout dur, il n'y a plus qu'à y foutre à la poubelle. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Par contre, la chaîne des puits dans sa globalité, on pourra y revenir, n'est pas arrêtée. Dans l'état actuel de nos connaissances, tout plaide pour que y ait en profondeur un réservoir susceptible de réalimenter dans un futur. Moi, j'espérais que c'était avant que je parte en retraite, mais pas de chance, ça s'est pas fait. Réalimenter un nouveau volcan en surface, mais bon, ça s'est pas fait. Vous, Pierre Boivin, parce que si je lis bien la carte, c'est la 6e édition 2017, oui. Et vous en êtes un des co-auteurs. Qu'est-ce que vous avez lu ou découvert, vous, que les autres n'avaient pas vu ? On a de temps en temps des évolutions majeures en termes de techniques d'études. Et là, par exemple, depuis 2011... on a ce qu'on appelle un lever LIDAR de la chaîne des puits. Le LIDAR, c'est un lever aérien avec un laser qui balaye le sol. Et l'avion ou l'hélicoptère, selon les moyens qu'on a, la superficie à couvrir, balaye la totalité du sol avec des recouvrements. Et donc, ça donne des milliards d'échos. Toutes les fois que le laser, la lumière revient vers l'avion, on l'enregistre. Et nous, moi, ce qui m'intéresse au premier chef, c'est le dernier écho qui est le plus loin, c'est-à-dire le sol qui est renvoyé. Donc, ce sol, quand on filtre et qu'on n'a que le sol, ben, on n'a plus les arbres, on n'a plus les maisons, on n'a plus les gens qui courent dessus, on n'a plus rien. On n'a que le sol. Et comme je le disais en entrée, on a l'impression que le territoire qu'on observe, il est sur la Lune. Hein, vous voyez, on voit le moindre détail. Philippe Montel, vous êtes gérant du volcan de l'Antégie. Oui. Ça fait quoi d'être gérant d'un volcan ? C'est original. Un peu le gardien du volcan. Oh bah c'est une vraie aventure. Et c'est une aventure familiale ? Racontez-moi. Alors c'est une aventure familiale, oui, puisque mon père, un peu par hasard, s'est retrouvé exploitant du volcan dans les années 70. Et puis on était loin de penser que la destinée du volcan ça serait un avenir culturel que maintenant on fait visiter. Précisons quand même quelque chose, je vous ai présenté Philippe Montel comme le gérant du volcan de l'Antégie, mais il vous appartient ce volcan ? Alors oui, on peut être propriétaire d'un volcan. Alors le volcan de l'Antégie, il a une particularité, c'est que je suis propriétaire d'une partie du volcan, et une autre partie du volcan que l'on fait visiter est la propriété c'est un bien sectionnel. Ça appartient aux habitants d'un village. Il faut savoir quand même que la plupart des volcans que vous voyez autour de nous, ce sont des propriétés privées. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un terrain sur un volcan et vous êtes propriétaire d'une partie du volcan. Mais pourquoi une partie du volcan ? C'est comme une bande de terrain que vous avez dans un champ, sauf qu'elle est sur un volcan. Donc vous pouvez avoir 200 propriétaires d'un volcan. Mais les propriétaires d'une partie de ce volcan, donc ces habitants de Saint-Tour, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils l'entretiennent, et souvent des forêts qui sont dessus. Si c'est des agriculteurs, ils peuvent y mettre des moutons, hein, comme l'exemple qu'on a juste en face de nous. Il n'y a plus de volcans qui sont exploités par contre. Il y en a encore un ou deux volcans qui sont exploités pour leurs matériaux, mais il n'y aura plus jamais de volcans qui seront creusés pour en extraire les matériaux. Parce que exploiter un volcan, il faut expliquer ce que ça veut dire. Alors exploiter un volcan, ça remonte à très loin, puisque les premières traces d'hommes, c'était en 1840, tout simplement les villageois qui sont venus creuser le volcan pour en extraire ces scories volcaniques qu'on appelle de la pouzzolane. Ensuite, après, il y a eu une grosse étape, c'était au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi le lien avec la Seconde Guerre mondiale ? Bien, tout simplement, c'est que le débarquement qui avait détruit toutes les maisons en Normandie, sur place, il manquait de matériaux pour la reconstruction. Et avec le plan Marshall après-guerre, eh bien, ils sont venus creuser le volcan de l'Antégie, donc en Auvergne, pour emmener ces scories volcaniques. Et sur place, après, et notamment autour de la ville de Rouen, ils ont fabriqué des parpaings pour reconstruire la maison. Il y a donc aujourd'hui des gens à Rouen qui, depuis plusieurs générations, vivent dans des maisons, des habitats construits avec des roches qui viennent d'ici. Exactement. Donc ça, c'est la destinée, on va dire, des roches, mais la destinée de la famille, ça, parce que l'extraction de la pouzzolane, ça s'est arrêté en 2007. Alors, la destinée de la famille et du volcan, en fait, à un moment, il y a des scientifiques qui sont venus à l'intérieur de ce volcan. Et pourquoi ? Parce que c'est en fait de creuser un volcan. Alors, on peut penser à un moment que ça détruit la nature, et c'est vrai, puisque quand vous décapitez un volcan, c'est ce qui a été le cas après la Seconde Guerre mondiale. Donc, à cette époque-là, on peut pardonner quand même, parce qu'on s'occupait plus de l'après-guerre que de l'environnement. Donc, le volcan, il a été décapité. Mais après, les scientifiques, ils s'y sont intéressés à ce site, parce que justement, ils pouvaient aller à l'intérieur du volcan. Et quoi de mieux pour un scientifique que d'aller à l'intérieur plutôt que d'être dessus et de faire des sondages et des carottages? Là, ils se sont retrouvés à avoir plusieurs strates de volcans. Toutes ces strates de volcans, ils les ont analysées. Et pendant des décennies, le volcan de l'Ampéji, et encore aujourd'hui, sert vraiment de laboratoire. C'est un volcan recherche. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en 2019-2020, on va trouver dans la chaîne des puits qui sont là depuis des millénaires, qui ont été étudiés, comme vous avez dit, par tous vos prédécesseurs? Qu'est-ce qu'il y a encore comme énigme scientifique à mettre à jour? On a une idée un peu sur les grands volcans. Mais il y a des tas de volcans qui sont dans la forêt et qu'on ne connaît pas. Il n'y a que les chasseurs qui les connaissent parce qu'ils les parcourent après, en courant après les sangliers, etc. On ne voit rien. Et je dirais, c'est des réserves pour nous, des réserves scientifiques. On ne se prive pas pour aller dessus. Et ce que je veux dire, c'est que la chaîne des puits a un intérêt majeur au niveau mondial. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est un des raisons qu'il l'a fait inscrire au patrimoine mondial d'UNESCO. C'est-à-dire que sur un espace très réduit, elle fait une trentaine de kilomètres sur 3-4 kilomètres de large, dans une zone hyper accessible. On est à... Moi, j'habite à Clermont-Ferrand. En 10 minutes, je suis au pied du Puy-de-Dôme. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on peut accéder comme ça aussi facilement à des volcans. Et en plus, on a une immense variété de types de volcans, donc de magma. Hein, souvent, vous allez, par exemple, il y a des grands volcans andins, etc. Mais c'est toujours la même lave qui sort. Et ça donne toujours le même type de volcan. Donc ça, c'est bien pour là-bas. Mais nous, on a aussi bien des basaltes que des trachytes, c'est-à-dire ces laves qui donnent des dômes. Les basaltes sont très fluides et ils nous donnent des coulées qui font 15-20 kilomètres de long. Et à côté, on a des laves qui ne s'étalent pas, qui nous font des dômes. Donc on a tous les intermédiaires. Quand on dit « dessine-moi un volcan », n'importe qui, il nous dessine les volcans type le cône final du Pariou ou ces cônes qui sont là, c'est-à-dire des cônes dits stromboliens avec un cratère au sommet et puis un beau des flancs qui dessinent un cône. Et puis quand on le voit de loin, le cône, il est tronqué. Donc ça, c'est le volcan strombolien qui est caractéristique des laves relativement fluide, enfin fluide on va dire, donc des basaltes, alors je ne vais pas vous assommer avec des noms, mais qui représentent à peu près 60% des laves émises dans la chaîne des puits. Donc on les a plus ou moins grossiers, vous en verrez dans le volcan de l'Ampéji. Vous avez fait dire carrière. Oui, mais je ne veux pas le... On va y revenir. Je le dis de vive voix avec le propriétaire, mais pas dans son dos. Mais c'est des matériaux, on prend une pelleteuse, on rentre dedans, on charge un camion en 10 minutes, enfin je veux dire, c'est pas consolidé. À l'opposé, quand les laves deviennent visqueuses, parce que bon, il y a un peu plus, la chimie change, ça devient un peu plus siliceux, bon, peu importe, à ce moment-là, elles ne s'écoulent plus aussi, elles s'écoulent plus pratiquement, enfin dans nos cas, ou pratiquement plus, et donc elle se fait un tas à la sortie du trou par où se fait l'éruption. Ça s'accumule. Donc l'image que je prends toujours, c'est un tube de dentifrice qui est un peu vieux, encore une fois, vous appuyez dessus, ça vous fait une boule de dentifrice au-dessus de l'ouverture. Ça va pas s'écouler, hein, et puis vous le prenez avec votre brosse à dents. Là, c'est la même chose. Donc, on a les dômes, le plus beau, c'est le Sarkouy, Un autre qui est pas mal, c'est le Puy-de-Dôme, parce que c'est le plus grand, c'est le plus gros, c'est, enfin, et puis il est juste au milieu. Mais bon, vous en avez d'autres aussi, qui s'appellent le Clierzou, l'Aumône. Puis il y en a d'autres où c'est tellement visqueux que ça ne fait même pas une boule. Ça fait une pointe. Et donc, ben voilà, le puits Chopine, il est caractéristique de ça. On en a un autre aussi qui est très discret, qui s'appelle le puits Vassé, qui est analogue. Donc là, ça fait comme des espèces de pistons. Faire une description, on va dire en partant du haut en bas, avec peut-être les couleurs et les formes qu'on voit. Alors effectivement, de ce point de vue où on voit tout l'intérieur du volcan, alors ne pensez pas que c'est le cratère, parce que ça aussi c'est une remarque qu'on nous fait souvent, le cratère il était 80 mètres plus haut que là où nous sommes. On a creusé à peu près 100 mètres d'épaisseur du volcan. Donc ce qu'on a en face de nous, c'est bien l'intérieur d'un volcan. Si on prend la partie supérieure, vous voyez une forêt. Sous cette forêt, vous avez de la terre végétale. Cette terre végétale, eh bien, elle s'est formée après les éruptions du volcan. La dernière éruption, c'est 30 000 ans. Donc depuis 30 000 ans, il y a la décomposition végétale qui a formé cette terre. Ensuite, dessous, vous avez une partie de scorie qui est blanche au milieu de cette terre végétale. Cette partie blanche, qui fait à peu près un mètre d'épaisseur, eh bien ça provient d'un autre volcan. Ça provient du puits Chopine qui est juste à côté de nous. Et le puits Chopine, c'est un volcan explosif. Quand il a explosé, ce volcan, il a balayé toute la forêt qu'il y avait à cette époque sur le volcan de l'Antagie, puisqu'elle avait eu le temps de pousser. Cette nuée ardente a carbonisé le bois de la forêt. Et à l'intérieur de cette couche-là, on retrouve donc ces bois carbonisés qu'on a pu dater au carbone 14 et qui ont donné l'âge de 8500 ans. Ça veut dire que le puits Chopine était en éruption il y a 8500 ans. C'est un genou. C'est un genou, tout à fait. C'est un des derniers volcans de la chaîne des puits. Dessous, on retrouve des cendres qui sont très très fines, qui sont noires. Ces cendres-là, très très fines aussi, elles proviennent aussi d'un autre volcan, puisqu'on appelle ça des cendres vannées. Elles ont été emportées par le vent et elles sont venues saupoudrer le volcan de l'Antégie qui était déjà en place. Un petit peu plus profond, on a encore des cendres noires. Ces cendres noires qui sont d'une épaisseur d'une vingtaine de mètres, ça dépend un petit peu des endroits. Ça provient de la deuxième éruption du volcan de l'Antégie, dont on voit s'acheminer sur la gauche du volcan. Là. Toutes ces roches massives que vous voyez en face de vous, ça c'est la cheminée, alors bien sûr on est sur le haut de la cheminée, hein, de la deuxième éruption du volcan de l'Antégie qui est datée à peu près à 30 000 ans. Et alors, cette différence de rouge et de noir, c'est tout simplement que pendant les éruptions, le magma qui est éjecté en l'air, en se refroidissant, il devient noir. Celui qui se pose le plus loin de la cheminée, eh bien, il reste noir. Par contre, celui qui va retomber près de la cheminée, il va être réchauffé une deuxième fois par la chaleur intense de la cheminée, et le fer qui est contenu à l'intérieur de cette roche va s'oxyder, va se rouiller, et donc ça va donner cette couleur rouge. Donc quand on a une couleur rouge, c'était la partie du volcan qui était la plus chaude. On avance ? Pierre Boivin, qu'est-ce que vous avez trouvé à l'Antégie ? Vous avez dit que c'était une archive de toute l'activité... Du nord de la chaîne des puits, oui. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez, vous, ramené concrètement en expérience ? Est-ce que vous avez ramené des roches ? Est-ce que vous avez amené des choses qui sont dans votre bureau ? Qu'est-ce que vous avez trouvé là ? Les enfants vont y trouver une source de connaissances. Vous y avez trouvé quoi ? Eh bien... Quand je suis venu à Clermont après ma thèse, je candidatais au CNRS. Bon, ça se fait pas tous les quatre matins. Enfin, j'ai été une petite année à attendre de prendre le poste au CNRS. C'était les années 70. Oui, 75 à peu près. Et à ce moment-là, le labo, j'étais le candidat du labo, donc j'étais pris en charge par les collègues sur différents contrats à droite à gauche pour faire des petits travaux, pour me faire attendre en attendant de prendre mon poste. Et entre autres, parmi ces travaux, alors je me souviens pas si j'étais payé, peu importe, j'ai dû faire l'inventaire de toutes les carrières de la chaîne des puits. Non pas pour dire ça c'est une carrière, mais pour observer à l'intérieur des cassures, on appelle ça des failles, qui décalaient les dépôts. Mais vous travaillez avec quoi comme instrument à l'époque et aujourd'hui est-ce que vous avec mes yeux, la boussole, un carnet de notes, et je relevais, je visitais les carrières, je disais tiens là il y a une faille de telle direction, etc. Avec l'idée à l'époque d'essayer de... Déjà, vous voyez, ça remonte à loin, de démontrer l'existence d'une chambre volcanique, enfin du magma, non pas à 13 km, mais à 2 km de profondeur. Et mon rôle, c'était de relever toutes ces fentes, évidemment dans les carrières, parce que c'est là que ça se voyait le mieux, et après d'en discuter pour voir si c'était compatible avec cette chambre. Pierre Boivin, est-ce qu'en résumant, on pourrait dire que ce qui vous intéresse depuis 50 ans, hier comme aujourd'hui, c'est de raconter à travers vos études, la roche, un monde perdu, on pourrait dire, mais un monde d'avant, l'humain. Et que finalement, vous essayez de revenir à un moment où tout ça s'est formé. Alors, bien sûr, il y a une temporalité dans cette affaire-là. Ça s'est fait à un moment où l'humain était présent. C'était quoi l'époque ? Eh bien, c'était 9600 ans, à peu près, à compter d'aujourd'hui. Donc ça, c'est avant-hier pour un vulcanologue comme vous. C'est pas avant-hier, c'est ce matin. Enfin, pour un géologue, c'est il y a tout de suite, quoi. Et depuis, on a plus récent. Les deux plus récents, c'est eux deux, là. 8600 ans. Vous vous rendez compte ? Enfin, cette époque-là, il y avait déjà des gens... en Mésopotamie, qui travaillait, qui se tapait sur la figure. Enfin. Ce qui vous intéresse, vous, est-ce que vous, ce que vous dites, ça, c'est ce matin, c'est pas la semaine dernière, c'est encore le temps d'avant. Là où il y avait la chaîne des puits a duré, enfin, telle qu'on la connaît, là aussi ça évolue, etc. On dit qu'elle a 100 000 ans, c'est-à-dire les premiers volcans qu'on attribue, qu'on relie à la chaîne des puits ont à peu près 100 000 ans. Donc ça a fonctionné entre 100 000 ans et 8 600 ans. À cet endroit-là, on a un volcan plus récent qui est le Pavin plus au sud, qui lui a 7000 ans avec ses copains autour, à peu près. Donc on est dans une zone où le volcanisme, pour nous, qui fonctionne. Un volcan, vous connaissez peut-être la différence entre volcan éteint et volcan dormant, enfin en sommeil, c'est une définition purement arbitraire. Un volcan qui a eu une éruption depuis moins de 10 000 ans, il est en sommeil. Un qui a son éruption date de 11 000 ans, il est éteint. Bon, la chaîne des puits, il y a une partie qui est éteinte dans cette définition-là, mais il y a un certain nombre de volcans qui sont dormants. Sauf qu'ils sont monogénétiques, donc c'est pas ces volcans qui vont se réveiller. C'est ce qu'il y a dessous qui va sortir. On va nous fabriquer un nouveau volcan. Quand ? De votre vivant ? Je pense pas. Dansez, nous dansons souvent au bord du cratère sur un volcan. À quoi sert notre venue ? Oh, dansez, dansez, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue ? Oh, dansez, dansez, tout est perdu. Dansez, le tigre a faim. Dansez, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser au bord du cratère. Philippe Mantel, toutes ces connaissances liées à la vie de votre volcan, on pourrait dire, et des volcans autour, vous les avez acquises comment ? Je les ai acquises sur le terrain, parce que je n'ai pas du tout fait d'études, moi, en volcanologie. Je les ai apprises au contact des scientifiques en permanence depuis maintenant 30 ans. C'est une passion qui nous a fait vraiment mettre en valeur ce volcan qui aurait pu avoir une destinée complètement différente, puisque quand mon père l'a récupéré en 71, il y a un industriel qui voulait en faire la décharge de Clermont-Ferrand. C'était un trou qui était déjà existant, donc il s'est dit, tiens, ça c'est intéressant, je vais mettre les ordures dans ce trou. Donc ça aurait pu être une vraie catastrophe écologique, alors qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse, c'est un patrimoine qui a été sauvegardé, c'est un lieu unique. Mais depuis 1972, donc depuis toutes ces années où les scientifiques viennent, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de leur découverte ? Parce que vous dites, ils viennent, Pierre Boivin dit que en fait, ce volcan est une archive à ciel ouvert de toute la vie des volcans autour. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont transmis en termes de découverte ? La première chose, forcément, quand mon père était là, il savait qu'il était dans un volcan. Donc on n'a pas appris qu'on avait creusé un volcan. Par contre, je me rappelle qu'on a au départ commencé à trouver de la roche massive, parce que la partie supérieure, ce n'était pas de la roche massive, c'était des scories volcaniques. Et à un moment, on est tombé sur la roche massive. Et cette roche massive, on ne savait pas trop ce que c'était. Est-ce que c'était une bombe volcanique ? Ça aurait pu, parce que la plus grosse bombe volcanique qu'on ait trouvée à l'Antagie, elle fait 60 tonnes. Donc c'est quelque chose... d'ailleurs, on l'a un peu de devant nous, là. Cette boule qui était beaucoup plus grosse, et puis on a vu qu'elle partait un petit peu dans différentes directions, avec des parties des fois un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui des dikes, des filons d'alimentation. Et bien là, les scientifiques nous ont dit, eh bien écoutez, là vous avez certainement commencé à découvrir la cheminée d'un volcan. Et je veux dire, c'est une émotion, une vraie émotion, parce que dans sa vie, découvrir la cheminée d'un volcan, je crois pas que ce soit arrivé à beaucoup de personnes. J'ai même eu la chance que ça m'arrive deux fois. Ça m'arrivera pas une troisième fois. Et puis, au fur et à mesure que mon père y creusait, et après j'ai pris le relais, on s'est vraiment pris de passion avec les scientifiques, parce que les choses, encore une fois, j'aime bien le dire, ont été faites simplement. Et on se prenait au jeu, c'est-à-dire que quand on avait quelque chose de dur, plutôt que de le casser, on passait à côté, on le mettait en valeur, et le scientifique, lui qui venait régulièrement, il disait, eh ben là vous avez trouvé un filon d'alimentation, là vous avez trouvé une coulée de lave, là c'est rouge, pourquoi c'est rouge, là pourquoi c'est noir, les cendres fines, à quoi ça correspond, la densité des matériaux, leurs différentes analyses. C'est toutes ces choses-là qui se sont faites pendant toutes ces années. En fait, ils nous ont bien évidemment tout appris. Derrière nous, Philippe Montez, c'est les restes donc de la carrière, de l'usine d'extraction de la pouzzolane qu'on voit. Oui. Alors, ces machines sont toujours là. On a arrêté l'exploitation en 2006. Les machines sont toujours là parce que ça fait vraiment partie du patrimoine du volcan. On peut pas venir à l'Antégie sans parler de l'histoire de l'homme et du volcan. Et l'homme et le volcan, il y a aussi les machines qui ont permis justement de trier les matériaux. Et ces matériaux qui sont partis un petit peu dans toute la France, on explique encore au jour d'aujourd'hui à quoi ils servent, parce que c'est important. Donc il y a une transmission du savoir, c'est une transmission de ce patrimoine industriel qui fait aussi partie de la vie du volcan de l'Antégie. On est à Saint-Our-les-Roches, un jet de pierre volcanique de l'Antégie. Et l'Antégie, l'extraction de la Pouzzolane s'est arrêtée en 2006, donc il y a 14 ans. Mais en fait, l'extraction de la Pouzzolane, ça continue ailleurs. Et c'est ce que vous allez nous expliquer, vous, Sébastien Masclet, parce que vous, vous dirigez une entreprise qui s'appelle comment ? Alors, l'entreprise s'appelle Société Pouzzolane des Dômes. Donc effectivement, nous, on exploite encore un puits. Notre activité se poursuit. On est autorisé depuis 2010 pour 20 ans. Donc l'autorisation court jusqu'en 2030. Donc une autorisation délivrée par l'administration suite à un arrêté préfectoral. Voilà, on est sur un site de à peu près une vingtaine d'hectares où on exploite la pouzzolane. On peut la retrouver sous différentes formes, granulométrie, couleurs. La pouzzolane peut prendre différentes nuances, rouge, noir. Et ça, c'est un volcan ? On est sur un volcan, donc le volcan, nous, on est sur le puits de Ténusset, tunisais, suivant un peu les origines et avec le temps des déformations parfois de nom. Mais effectivement, on est sur le puits sur un puits, un volcan. Est-ce que vous avez une idée du tonnage que vous sortez par mois, par exemple ? Alors, tonnage par mois, on le sait bien évidemment, puisqu'on sait combien on commercialise et combien on exploite. Nous, on est autorisé sur 140 000 tonnes. Sur ce puits, on est deux sociétés à exploiter, donc on a un tonnage max de 140 000 tonnes, tonnage maximal. Il faut savoir que nous, on fait à peu près, on va dire, suivant les périodes, suivant les activités et les demandes de nos clients, mais on fait à peu près entre 8 et 10 000 tonnes maximum de vente ou d'exploitation par mois. Cette roche, donc la pouzzolane, est-ce que ça se vend bien ? Alors c'est une roche qui se commercialise très bien. D'abord, c'est un produit très rare. Il faut savoir que le marché du granulat en France, on consomme, on va dire, un individu lambda consomme entre 4 à 5 tonnes, suivant les zones, voire 6 tonnes par an. C'est-à-dire, vous ou moi, on consomme du granulat à travers la construction, à travers les routes. Si vous faites par rapport 6 tonnes par habitant avec le nombre d'habitants, on fait à peu près entre 350 et 400 millions de tonnes de cailloux par an. Donc le marché de la pouzzolane en France, c'est 500 000 tonnes. Donc ça veut dire que c'est un petit caillou dans la chaussure qu'on a par rapport au reste du granulat. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un matériau qui voyage, c'est un matériau plutôt rare, plutôt avec des caractéristiques très particulières. C'est un matériau poreux. Ouais. C'est quoi ses qualités ? C'est un matériau léger, un matériau qui peut avoir une chimie très particulière. Et avec une multitude d'utilisations, on l'utilise dans les toitures végétalisées, dans les substrats, sur les hippodromes, dans les sols sportifs. C'est un liant naturel aussi, la pouzzolane. Hein. On parle de béton romain, chaud pouzzolane, puisque la Rome antique s'est fabriquée avec la pouzzolane. Hein. La pouzzolane, son nom provient du volcan Pouzzole, la ville de Pouzzole, à côté de Rome. Vésuve, donc voilà, c'est une roche qu'on retrouve sur où il y a de l'activité volcanique. L'activité volcanique en France métropolitaine, elle se trouve sur la chaîne des puits. Donc c'est un matériau très localisé, mais de par ses caractéristiques et qualités, elle voyage. On l'utilise sur la France entière, mais on a aussi quelques marchés un peu à l'extérieur du continent. C'est-à-dire où, par exemple ? On a des chantiers, on a fait des stations de traitement d'eau potable au Canada. On va jusqu'en Nouvelle-Calédonie, on va au Maroc, on va en Chine. Voilà, on a sur certaines applications très techniques, la pouzzolane voyage. Expliquez-moi pourquoi vous avez redessiné un cratère. Parce que quand on a déposé le dossier en 2010, on avait travaillé avec un architecte du paysage et pour qu'il s'intègre totalement dans la chaîne des puits. Nous, on a une vision ici très à la taille humaine, mais si on prend de la hauteur, c'est de se dire qu'il puisse s'intégrer dans l'ensemble du paysage de la chaîne des puits. Tout particulièrement, on ne peut pas se permettre de dire on fait un trou qui ressemble à rien, qu'on abandonne notre territoire après exploitation. Qui ne s'intègre pas dans le paysage. Donc nous, l'intérêt, c'est qu'il puisse être en adéquation et en totale harmonie avec ce site magnifique qu'est la chaîne des puits. Localement, vos acheteurs, ils en font quoi de ce substrat-là, de cette roche ? De cette roche, alors nous localement, c'est, je dirais que les utilisateurs principaux sont ceux des gens qui l'utilisent en traitement hivernal, puisque c'est dans la culture de Auvergnat de pouvoir l'utiliser sur le traitement hivernal. C'est-à-dire quoi ? Alors on l'utilise quand on a de la neige, on vient mettre dessus saupoudré de pouzzolane pour redonner de l'adhérence au sol. Comme c'est une roche qui est plutôt friable, un peu agressive, qui permet de redonner de l'adhérence. Donc localement, c'est vrai qu'elle est utilisée, c'est une belle application. Après, on peut l'utiliser sur certains, dans des bases drainantes de certaines habitations. On l'utilise localement aussi dans les ciments, puisque c'est un liant naturel, donc ça devient en ajout des ciments, avec les réductions d'émissions de CO2. On peut l'avoir sur des blocs béton léger. Voilà, donc c'est localement, on l'utilise, mais c'est plutôt un matériau qui a tendance à voyager. Ici, l'Auvergnat moyen qui va acheter un kilo de pouzzolane pour le répandre devant sa maison, dans sa rue, c'est possible ? Oui, bien sûr. Un kilo de pouzzolane, c'est quoi ? Un kilo de pouzzolane, alors nous, c'est vrai qu'on raisonne plutôt à la tonne, mais donc c'est là où on va faire un ratio. On est à 20 €, on va dire moyen, 25 € la tonne. Si vous divisez par 1000, voilà, je vous laisse faire le calcul, on est à moins d'un euro largement de la tonne, du kilo de pouzzolane. Est-ce que vous savez combien d'anciens volcans comme celui-là sont exploités pour la pouzzolane dans la chaîne des puits ? Aujourd'hui, on n'est plus que deux. On est les derniers exploitants de pouzzolane sur la chaîne des puits. Montel, on est un peu plus dans le cœur du volcan et on, par certains endroits, on a marché sur la neige déjà. Eh oui, la neige est tombée, on est à 950 mètres d'altitude, donc on a déjà eu un petit peu de neige. Devant nous, des bombes. Les bombes volcaniques, alors vous en avez de plusieurs sortes. Vous avez par exemple celle-ci qui est assez caractéristique puisqu'elle est en fuseau, elle est plutôt allongée. Elle se termine par des parties pointues. Et cette bombe-là, alors qu'elle peut peser 20 grammes, mais elle peut peser aussi 3 ou 400 kilos, en fait, elle a été projetée en l'air. Et vous voyez qu'elle est partie en tournoyant. Et comme elle était, bien sûr, pas solidifiée, elle était encore pâteuse, eh bien, elle a pris cette forme allongée. Un ballon de rugby, quoi. Un ballon de rugby. Ici, vous avez une bombe en bouse de vache. Eh bien, les scientifiques ne se sont pas embêtés, hein, parce que ça ressemble exactement à une bouse de vache. Tout le monde a vu ça dans un champ. C'est plutôt quelque chose qui a aplati. Ça ressemble à une bouse de vache, donc c'est facile à comprendre. On a aussi des bonbons en chou-fleur. Eh bien, là aussi, vous imaginez avoir le légume devant vous, bien boursouflé avec cet aspect de chou-fleur. Eh bien, les scientifiques lui ont donné ce nom-là. Et vous voyez que des bombes volcaniques en chou-fleur, c'est pareil, hein, ça peut peser plusieurs tonnes. Là, vous avez une bombe en boule. Généralement, les bombes en boule, elles sont caractéristiques par leur grosseur. C'est qu'en fait, elles ont roulé sur le flanc du volcan, et comme une boule de neige, comme quand vous faites un bonhomme de neige, vous faites rouler la neige. Et bien là, c'est pareil, elles ont dévalé sur le flanc du volcan, et ça leur a donné cette forme plutôt ronde. Et les couleurs ? Les couleurs, là, on est plutôt sur des couleurs rouges. Généralement, on est plutôt... Les bombes volcaniques ont plutôt été faites par la première éruption du volcan de l'Antégie. Alors vous voyez, c'est des milliers, hein, c'est énorme la quantité de bombes volcaniques. Et il y en a plus dans la première éruption du volcan de l'Antégie, qui est de nature basaltique. La deuxième éruption du volcan de l'Antégie, c'est plutôt de la trachée andésite. La trachée andésite, ça ressemble à la pierre de Volvic. Qu'est-ce qu'on en fait de la pierre de Volvic ? Donc la pierre de Volvic, c'est fait dans une coulée de lave qui a refroidi tout doucement. Où c'est qu'on a une pierre qui est très régulière, une roche qui est très régulière, qui est exploitée par nos amis, souvent autour de Volvic, mais aussi la pierre de Chambois s'en est aussi. Donc il y a beaucoup de sculptures qui ont été faites à partir de ça. On peut aussi l'émailler, on peut en faire plein de choses. Et puis la construction, la cathédrale de Clermont-Ferrand, par exemple, elle est construite avec la pierre de Volvic. Sébastien Vasquelon, c'est un peu rapproché du site de production. Qu'est-ce qu'on entend là ? Alors, c'est l'installation de traitement que vous entendez. Donc tous nos appareils, nos gros appareils qui permettent de trier, cribler la matière. Puisque chaque client peut avoir un besoin d'une granulométrie particulière des matériaux de pouzzolane. Donc nous, on a une zone d'extraction. On vient récupérer la matière avec des pelles, ce qu'on appelle des tombereaux. Et on vient alimenter donc notre installation de traitement, qui nous permet de réduire les matériaux les plus grossiers à travers des concasseurs ou broyeurs. Et ensuite, on a des cribles donc, qui sont un peu comme les tamis d'enfants quand on est à la plage, où on vient trier nos matériaux du plus fin au plus grossier. Parlez-moi du label pierre volcanique que vous avez essayé de défendre pour notamment cette pouzzolane. Alors effectivement, ce label Marc Parc pierre volcanique qui a été... un cahier des charges qui a été établi avec le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. On le disait tout à l'heure, on est sur le site UNESCO et parc naturel régional des volcans d'Auvergne. On a une roche qui est très particulière, qui est la pouzzolane, qu'on retrouve que sur des zones très précises. Et on se devait de travailler avec ces gens-là pour mettre en avant la roche volcanique à travers une marque. Donc on a travaillé sur ce label qui s'appelle Marc Parc, et qui rejoint différents acteurs, des exploitants comme nous de carrière, mais des émailleurs sur lave, des tailleurs de pierre, des exploitants de roches de pierre volcanique, comme la pierre de Volvic, qui est aussi une roche emblématique du périmètre, parc périmètre UNESCO. Voilà, donc c'était une label qui nous tenait à cœur, et de créer cette marque avec des valeurs qui étaient importantes de défendre. En fait, l'histoire et la culture sont liées à l'économie ici. De toute façon, historiquement, on a la pierre volcanique a permis de reconstruire aussi Paris après-guerre. Il y a toujours eu une histoire, effectivement, à travers l'économie, la culture. Les hommes ont toujours travaillé la pierre. La roche, c'est des choses qui sont ancestrales. On a construit des bâtiments avec... on parlait tout à l'heure de la Rome antique. La pouzzolane a servi à de construire des bétons romains. Donc le périmètre du parc naturel régional des volcans d'Auvergne répond aussi à ces critères, ou en tout cas à la même trace. On met en valeur notre territoire à travers la valorisation et la commercialisation de la roche. Dernière question, Pierre Boivin. Certains collectionnent des pierres, d'autres touchent des pierres parce qu'elles sont précieuses, elles ont un pouvoir, de l'influence. Vous avez rencontré votre épouse en parlant d'une pierre précieuse également. Comment vous savez ça ? Vous êtes... L'améthyste ? L'améthyste, oui, bon. Est-ce que vous avez une pierre, une roche volcanique qui vous ressemble ? Moi, avant de faire des études, parce que ça m'a pris depuis longtemps, l'intérêt des roches et des choses comme ça, au-delà des minéraux, bien sûr, j'apprécie les minéraux, ça m'a permis, comme vous l'avez souligné, de nouer un premier contact avec celle qui allait devenir ma femme, mais au-delà des minéraux, qui sont toujours assez intéressants, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les roches, qui contiennent énormément d'informations, plus que les minéraux, parce que les roches sont constituées de beaucoup de minéraux différents. Donc chacun de ces minéraux, et de la roche en général, donne une information très pointue sur son origine, d'où elle vient, comment elle a évolué, etc., et puis jusqu'à ce qu'elle soit émise en surface. Ce qui m'intéresse dans une roche, c'est ce qu'elle raconte plus que ce qu'elle montre, si vous voulez. Un collectionneur, tel que je le ressens, moi, il a des trucs, il les met dans une vitrine. Alors, c'est des beaux objets, c'est des choses qu'on voit, Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. C'est l'histoire qu'on peut raconter à partir de là. Les améthystes, par exemple, qui sont des minéraux qui ont été exploités, spécialité de l'Auvergne, etc., sont très beaux, montés en bague ou autrement. Enfin, bref, il y a toute une histoire associée à ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas... L'améthyste, c'est joli, mais c'est de savoir comment elle est née. Savoir que les fluides qui ont circulé, pourquoi c'est violet, pourquoi il y en a qui sont violet foncé et d'autres violet clair. Enfin, vous voyez, il y a un tas d'informations qui permettent de savoir comment notre Terre fabrique tout ça, quoi. Philippe Montel, cette carrière devenue volcan, ce volcan carrière, quand on arrive là, il y a un parking, il y a un côté c'est pour les bus, de l'autre côté c'est pour les visiteurs en voiture, il y a des travaux en ce moment d'agrandissement, il y a un restaurant, il y a un mini-train. Est-ce qu'on est aussi dans un parc d'attractions ? Alors on n'est pas dans un parc d'attractions, on est sur un site culturel. Alors il y a une activité économique bien évidemment par rapport à ça. Puisque toutes les choses qui ont été faites, et comme partout, il faut de l'argent pour le faire. Donc il y a une vraie activité économique qui s'est créée. Et non, on n'est pas dans un parc d'attractions. Il ne faut pas venir à l'Avantagie pour dire on vient dans un parc d'attractions. Ça serait vraiment un faux message, et puis ce n'est pas du tout en plus ce qui nous intéresse. Tout ce paysage de la chaîne des Puits, Philippe Montel, a été inscrit l'année dernière au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Donc qu'est-ce que ça change d'abord pour la région ? C'est un renom, mais patrimoine mondial de l'UNESCO, la chaîne des Puits, ça veut dire quoi pour vous ? Une vraie reconnaissance. Une vraie reconnaissance de notre territoire, et plus précisément pour le volcan d'Antégie, du travail qui a été fait justement de préservation de l'environnement et de mise en valeur de l'intérieur de nos volcans. Donc c'est une vraie reconnaissance internationale. Le terme officiel de l'UNESCO pour parler de ce que vous appelez un site, carrière, volcan, site culturel, c'est quoi pour eux ? Ce serait un géopatrimoine. En l'air, nous ne craindrons pas ni la poussière, ni le magma. À quoi sert notre venue ? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser au bord du cratère. L'Antégie, au cœur des mystères de la vulcanologie, avec Pierre Boivin, vulcanologue et directeur de recherche au laboratoire Magma et Volcans à Clermont-Ferrand, Philippe Montel, gérant du volcan de l'Antégie, et Sébastien Masclet, directeur de la société Puzzolane des Dômes. Merci à Antoine Villioz de la discothèque de Radio France pour la recherche musicale dans cette série. La série documentaire, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarine. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser, au bord du cratère. Pollueurs, intoxiqués, volcanologues, agricultrices et mineurs, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Pompéi, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret.